الحمد لله الصوت واضح. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحال الأخوة. الحمد لله طيبين وأنتم يا شيخ. حياكم الله. حياكم الله. يا مرحبا. تفضل شيخنا. الترجمة ولا بدون؟ يعني يا أخونا أبو آدم يتكلم إن شاء الله يترجمنا إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به salafia par les voies de al-hizbiya, sectarisme. إنما الدعوة السلفية وفق الطريقة النبوية. La voie salafia est en conformité avec la voie prophétique. الدعوة إلى ما عليه السلف بطريقة السلف. Donc, c'est appelé au Dieu prédécesseur par la voie du Dieu prédécesseur. فالمؤسسات التي تجبرون على أن تعمل تحت مظلتها. Donc toutes les associations ou autres qui vont donc obliger les gens à travailler sous ton, son étendard, comme une école, masjid, comme une mosquée, masjid, un centre, association au centre de prêche, ou alors des écoles, ou alors des association ou alors إن شاء الله نحن الجمعية يعني حتى نوضح الأمور إن شاء الله سأتكلم باللغة الفرنسية ويترجم أخونا أبو آدم حتى يسمعون إخواننا هنا لأن البعض منهم لا يفهم اللغة العربية. بارك الله فيك. بسم الله. نعم. كم عدد الأخوة عندك؟ تقريبا يا شيخ 70 تقريبا. ما شاء الله. تفضل. بسم الله. Notre association ACM 42 اسم الجمعية ACM 42 يعني رقم المنطقة. نعم. C'est une association salafia qui existe. Qui existe depuis deux ans, depuis plus de deux ans. Avec la grâce d'Allah, avec la grâce d'Allah, elle a réussi donc à réunir les frères salafis de la ville. Donc c'est bon, l'échelle 25 ans, deux secondes, please. Donc, par la grâce d'Allah, elle a réussi à réunir les frères salafis de la ville. Donc, min fadlillah azza wa jal, istata'na an najma' ikhwan al-salafiyin min al-Madina. Autour du tawhid et de la voie des salaf salih. Hawla al-tawhid wa al-tariq al-salaf salih. Elle a organisé la da'wa dans la région. Elle a organisé la da'wa dans la région à travers ses séminaires et les différentes conférences. ولله الحمد. Cependant, depuis quelques mois, nous connaissons quelques tensions. Et les frères de l'association se posent des questions religieuses. Et ils aimeraient donc avoir une réponse d'un homme de science, des réponses. Afin de ne pas laisser place à l'incompréhension et les mauvaises interprétations. Donc nous souhaitons que le Cheikh réponde Hafidhullah à nos questions. Donc nous souhaitons que le Cheikh Hafidhullah réponde à nos questions. Sachant qu'Allah Azza wa Jal le récompensera, Inch'Allah. La première question. يعني في خمسة مسائل يعني أسئلة عفوا خمسة أسئلة يعني فيها المشاكل. La première question. Il y a un frère dans la ville qui a fait un questionnaire sans consulter les présidents de l'association et sans sa permission. Il s'agissait. Il s'agissait en fait d'un sondage qui visait à remettre en question la légitimité, le bien fondé de l'association ainsi que les responsables de l'association. Le bien fondé de l'association. Enfin, la question, est-ce que ce frère avait le droit de faire ça? Ensuite, la suite de la question, a-t-il commis un péché en ce sens qu'il n'en a pas avisé le responsable? Et là, je vise le président, pas les autres responsables, c'est-à-dire le trésorier ou le secrétaire. Voilà, c'est la fin de la question. Deuxième question. Afin de bien définir la responsabilité de chacun dans l'association, nous souhaitons savoir. Nous souhaiterions savoir quel est le degré de responsabilité du président de l'association envers les frères. Inversement, les devoirs des frères envers leur président. D'accord, Inch'Allah. Adi, ça, c'est la deuxième question. Donc, en même temps, Yanni, on devrait savoir, on voudrait aussi savoir Yanni, l'autorité qu'a le président. Alors, troisième question. Alors, l'association, elle est venue avec un projet, comme tu sais, pour ce qui est du centre islamique. Donc, la majorité des frères, on avait vu la dernière fois. Donc, soit on construit, soit on loue. La majorité des frères, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils voulaient construire ? Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas qu'ils veulent. C'est-à-dire que la plupart des frères, ils ont dit qu'ils voulaient louer. Moi, je reste sur le fait que je veux construire le centre, Inch'Allah. Oui, on a fini par la foi, il montre la salle de terre, il faut finir le ciel, tellement qu'il y a deux. Quatrième question. Alors, le président a annoncé son départ de quitter la ville pour des raisons professionnelles. Et cependant, la majorité des frères, comme on avait vu au fur et à mesure, ils veulent maintenir le président à sa place, même s'il part d'ici. Et certains ne veulent pas, ne veulent changer de président. Donc, quel conseil donc, vous allez nous donner, cher, à cela? Une dernière question, mais cette question elle est pour toi en fait. Il y a un frère qui demande est-ce que tu connais la SM42 et tu la soutiens depuis sa création, ou alors c'est juste le président qui dit ça ouais. Et est-ce que tu le connais bien avant l'association? Voilà. Et juste pour clarifier, donc par rapport à la location, donc c'est juste la location en attendant d'acheter, hein. C'est pas juste de la location. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a ici le chéri, il veut bien répondre aux questions. Inch'Allah, après, on va prendre ce des frères. Yeah. et il y a une dernière question. Si le chéri veut bien. Alors la question a dit, la SM42 compte aujourd'hui 70 adhérents ou plus. Quel conseil pouvez-vous donner aux frères qui hésitent encore à adhérer à l'association? Et Anissa, il y a aussi quand on parle d'adhésion, on parle aussi de payer une cotisation. Tu vois, il y a une question d'argent aussi. Hein. Et voilà. Celui qui est associé à cette association directement, ceux qui sont associés sont tous des salafis. Même celui qui apporte son soutien dans tous les sens et même s'il n'est pas inscrit à cette association. Lui en vérité il aide cette association, mais son but donc c'est faire progresser la da'wa. Et ça ne veut pas dire que celui qui est inscrit à cette association, et celui qui n'est pas inscrit, ça ne veut pas dire également, ça ne veut pas dire donc que celui-là c'est notre ami, celui-là c'est notre ennemi. Celui-là, il nous aime, celui-là nous déteste. Celui penche vers nous et l'autre il nous met des obstacles. Celui-là on l'aime, l'autre on l'aime pas. Et donc à partir de là, il y a l'alliance et le désaveu en vue de cela, en vue du centre. Donc vous devenez des HSB salafi. Donc on enlève le terme salafi. Et vous devenez des HSB. Elle te les donne à Adam. Est-ce que vous voulez cela? Non. Allah la comme tawfir. On demande à Allah Azzajal qui vous donne son accord. Celui qui est inscrit, celui qui n'est pas inscrit, c'est votre frère. Et celui qui s'est inscrit, il a beaucoup de responsabilités. Et celui qui s'est pas inscrit, alors il doit faire des doigts pour ses frères. Et ça ne veut pas dire que celui qui s'est pas inscrit qu'il les déteste. Et que celui qui s'est inscrit, ça ne veut pas dire non plus qu'il les aime. Barakallahu fik ya Sheikh, wa jazakallahu khair. المركز. نعود أبو آدم من هذا اللقاء نصر عبر الإيميل إن شاء الله. يعني إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. ربما نزوركم قريبا. إن شاء الله مرحبا بك. وإن شاء الله نبغى وبيتي خشنو. مرحبا بالشيخ بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. اللهم صل وسلم. يرفع السلام عليكم شيخ. J'annonce au frère, Inch'Allah, donc après ce qui vient de se passer, après les paroles bénéfiques du Cheikh, on se réunira, donc selon ce qui a été dit, pour revoir ça de très près entre nous. Et tous les responsables, il a été désigné dans chaque mosquée, un frère, donc on va d'abord se consulter avec ces frères-là, et on sera amené à se revoir ensemble, Inch'Allah, dans une autre prochaine réunion avant que je parte, avant que je déménage de cet été, Inch'Allah. Et je remercie tous les frères d'être venus. Barakallahu fikoum. Et Inch'Allah, cette occasion, elle a été donc surtout pour qu'on se rassemble, pas pour qu'on se divise. Et tout ce qui s'est passé, c'est le passé. Inch'Allah, et allez, on essaiera d'aller de l'avant. Et chaque opinion, l'opinion de chaque frère sera retenue, Inch'Allah. Barakallahu fikoum wa jazakumullah khair. Salam alaikum. C'est la fin, ça va fraîcher pour moi. Je sais pas si c'est enregistré. T'as enregistré. Je sais pas si ça. Parce que les iPhones s'enregistrent mal. Je vais te le dire. On va le voir tout de suite.